qui nous mène. Le jour se lève et traîne sa jeune lumière sur la plaine comme au premier jour. Comme au premier jour, je t'aime, le chemin s'enfuit, nous emmène, ton regard explose mes veines comme au premier jour. Les cupidons et mouches au premier jour.